on a le voyage qui passe à 17h. Papa, papa, t'as fermé ton caca dans tes fesses? Eliott, Théo. Mais tu te donnes une fesse. m'avais. La spécialité des parents, c'est mettre les doigts dans les fesses. Comment? Arrête un peu de raconter. N'importe quoi. Est-ce que je peux refaire ma manche? Il dit que non, arrête. Attention, c'est pas dans la machine à laver. Oui, vas-y, dis oui. Attention. Attention, Théo. Vous avez choisi de prendre les sauvages. Attention! Oh là là, ça va, ça va, ça va? Alex! Vous êtes pas prêts là, non? Alex! Vous êtes pas prêts dedans, non? Alex! Alex, aide-moi! Doucement, doucement. Vous êtes rentré dedans, non? Aide-moi! Ça va? Aide-moi! Non, je vais mettre dans la machine à laver. Vous avez tapé un peu, non? Non, en fait, comme ça, c'est une salle à crôler. Alex! Pardon, on a la machine à laver! Arrête! mais son rage, il a plusieurs fonctions, il y a une fonction de son rage dans ce sens. On a eu tout le sorage, hein. Ça, c'est beaucoup plus large.